الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إن مساجد الله هي بيوت الله هي بيوت الله سبحانه وتعالى في أرضه جعلها أحب البقاع إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها فهي أو فيها يتقرب المسلم من ربه تبارك وتعالى وخالقه بشتى أنواع العبادات والقربات من الصلاة وذكر الله عز وجل وأخوة في الله عز وجل قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين في هذه الآية الكريمة في هذه الآية العظيمة شهد الله لمن يعمر مساجد الله بالإيمان الصحيح كما قال المفسرون وعمارة مساجد الله سبحانه وتعالى نوعان عمارة ببنائها وإقامتها وصيانتها من كل سوء ومكروه وعمارة بإقامة الصلاة وذكر لله سبحانه وتعالى وحضور حلق الذكر وطالب العلم وما إلى ذلك وبما أن نسبة المسلمين في كل مكان وزمان في زيادة بحمد الله عز وجل وعدد المسلمين يزداد يوما بعد يوم فنحن بحاجة إلى أن نتذاكر فضل بناء المساجد فنحن بحاجة إلى أن نتذاكر فضل بناء المساجد أيها المؤمنون عباد الله بناء المساجد لله مخلصا طريقة نبوية بناء المساجد من سنن الأنبياء وسبيل المحسنين من أولياء الله المتقين بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أول ما قام به لما وصل أن بنى مسجد قباء وهو أول مسجد بني في المدينة وقد أثنى الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز على أهله وحذر من الصلاة في مسجد ضرار في سورة التوبة لأنه بني لتفرقة المسلمين وكلمتهم قال سبحانه لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فهؤلاء هم الرجال وصفهم الله سبحانه وتعالى بالرجولة الحقيقية ثم بعد ذلك بنى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين المسجد النبوي الذي صار إلى يومنا هذا معقلا للدعوة إلى الإسلام والتوحيد والسنة ومنبعا للعلم والسنة. وعلى هذا تتابع الخلفاء والأئمة والمسلمون أعني ببناء المساجد. أيها المؤمنون، لقد حثنا ديننا الحكيم على بناء المساجد وإنفاق الأموال فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ويعود إلينا بالخير والصلاح في الدنيا والآخرة، وجعله الله سبحانه وتعالى سبيلا للفوز بالجنة والدرجات العلى. أخرج أو قال عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. رواه البخاري ومسلم. فهذه بشارة عظيمة، فهذه بشارة كريمة لمن بنى مسجدا بشرط أن يكون مخلصا يبتغي بذلك وجه الله، ما فعل هذا رياء ولا سمعة، بل يبتغي بذلك وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. وبيوت الجنة هي لبنة من ذهب ولبنة من فضة. ولا تسأل عن المسجد كبيرا كان أم صغيرا، بل أخلص العمل لله عز وجل ستدخل إن شاء الله تعالى في هذه البشارة الكريمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله، هذا شرط الإخلاص، من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. فهذه مبالغة في الصغر. رواه ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمهم الله. ومن لم يقدر على بناء مسجد بفرده أو بمفرده فليساهم مع إخوانه وأخواته، الكل يعطي ما يستطيع لإقامة بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، كي يدخل في هذا الحديث الكريم بنى الله له بيتا في الجنة. بل إن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن من أنفق من ماله في توسعة مسجد دخل في هذا الحديث، دخل في هذه البشارة. ومن كان فقيرا وهم بذلك لو كان ذا مال، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يشمله برحمته بهذه البشارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة. وإنما لكل امرئ ما نوى، كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، بناء المساجد داخل في الصدقة الجارية، بناء المساجد داخل في الصدقة الجارية، أي تأتيك الأجور والأرباح ولو بعد موتك وأنت في قبرك لا تستطيع قولا ولا عملا ولا توبة ولا استغفارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه. شاهدنا أو مسجدا بناه، الحديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله. عباد الله، ديننا يدعونا إلى الإنفاق، إلى الجود والكرم، وما أحسن هذا العمل أن يتعاون المسلمون في بناء بيت من بيوت الله. هذا هو الذي بنى مستقبله. كثيرا ما نسمع اهتم بمستقبلك، فهذا بناء المستقبل، فأنت مفارق لهذه الدنيا الفانية. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فأنت مفارق لهذه الدنيا، فماذا قدمت لأخراك؟ وإن الآخرة لهي الحيوان، أي الباقية الدائمة. واسمعوا قول المولى عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق عليك. متفق عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا هداة ومهتدين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها المؤمنون، les mosquées sont les demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre. Et il en a fait les endroits les plus aimés auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Le prophète, alayhi salatu wa salam, nous dit: l'endroit le plus aimé d'Allah est la mosquée. Et l'endroit qu'il déteste le plus est le marché. Les endroits les plus aimés d'Allah sont les mosquées. Et sans aucun doute, le cœur de chaque croyant se dirige vers les mosquées d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ses demeures. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, donc la traduction: les seuls à peupler les mosquées d'Allah sont ceux qui ont eu foi en Allah au jour dernier, ont accompli la prière, se sont acquittés de l'aumône et ne redoutent qu'Allah. Cela, très certainement, Allah leur accordera la guidée. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges de ceux qui peuplent les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala et les construisent. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala témoigne de la véracité de la foi de ses serviteurs. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui peuplent les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui construisent les demeures d'Allah, c'est-à-dire les mosquées, qui ont foi en Allah, l'unifient d'un culte sincère, l'adorent lui seul, sans rien lui associer. Ils ont foi au jour dernier, accomplissent la prière, s'acquittent de la zakat et ne redoutent qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis à la fin du verset, Allah Azza wa Jal leur promet la guider. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal fait les éloges de certains serviteurs. Et parmi leurs caractéristiques, ils peuplent les mosquées d'Allah. Et cela se traduit par deux choses. La première, peupler les mosquées de par leur construction. Le fait de les construire avec ses mains, le fait de dépenser de son argent, le fait de s'entraider dans la construction des mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait de préserver les mosquées de tout ce qui déplaît à Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième façon de peupler les mosquées d'Allah, en y venant pour y accomplir la prière, pour adorer Allah azza wa jal de par la lecture du Coran, son rappel, les prières surérogatoires, les prières obligatoires, l'apprentissage de sa religion et tout ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces deux catégories de personnes entrent dans ce verset et ont reçu les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, le pourcentage des musulmans dans chaque endroit ne cesse d'augmenter. Que ce soit dans les pays musulmans ou non, le nombre des musulmans est sans cesse en hausse. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui guide ses serviteurs vers la religion qu'il a agréée pour eux. Inna ad-din 'indallah al-islam. On ne cesse d'assister à des conversions, que ce soit des hommes ou des femmes, que ce soit des jeunes ou des personnes âgées. Tout cela par la guidée et la grâce uniquement d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que nous sommes dans le plus grand besoin de nous unir afin de construire des mosquées, pour qu'on puisse adorer Allah subhanahu wa ta'ala, s'unir dans ses demeures pour y accomplir la prière obligatoire, pour y accueillir les gens de science pour apprendre notre religion, pour y envoyer nos enfants afin qu'ils apprennent la religion, qu'ils mémorisent le Coran, ainsi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils puissent distinguer le tawhid du shirk, qu'ils puissent distinguer la sunna de la bid'ah, le bien et du mal, le bien du mal, le bon comportement des mauvais comportements. Et sachez que la construction des mosquées est la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et avant lui, de Ibrahim alayhi salam, de son fils Ismaïl. Naam. La première chose qui a été faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam après l'Égypte, lorsqu'il a quitté la Mecque pour préserver sa vie, pour préserver le message de l'islam, la première chose qu'il a effectuée en arrivant à Médine, la construction de la première mosquée, Masjid Quba. La construction de la première mosquée à Médine, qui se nomme Masjid Quba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit cette mosquée. Puis plus tard, lorsqu'il est parti à Al-Madinah, l'endroit où il a séjourné durant de nombreuses années, l'endroit où il est décédé, il s'est uni avec les compagnons et a construit la mosquée de ses propres mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala, portait lui-même les briques et s'entraidait avec ses compagnons sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'ils ont construit la deuxième meilleure mosquée au monde, Al-Masjidun Nabawi. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala fit les éloges de ceux qui ont peuplé la mosquée de Quba. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il y a eu les hypocrites, ceux qui montrent en apparence l'islam mais qui cachent dans leur cœur la mécréance, afin de protéger leur dunya, soi-disant. Ces gens-là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la mosquée, ont voulu faire une autre mosquée pour affaiblir les musulmans, pour diviser les musulmans. Et ils y ont invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était une ruse de leur part, mais Allah azza wa jalla les a démasqués. Allah tabaraka wa ta'ala les a dévoilés et les a humiliés dans le Coran. Dans Surah At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas se rendre dans cette mosquée. Et il lui a interdit de prier dans cette mosquée. Pourquoi ? Car le but de ceux qu'il avait construit était de diviser les musulmans et d'affaiblir la parole des musulmans. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges de ceux qui priaient dans Masjid Quba en disant que ce sont des hommes qui aiment se purifier, et certes Allah aime ceux qui se purifient. Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de la mosquée qui a été construite sur la piété depuis le premier jour. C'est ainsi que doit être celui qui veut construire une mosquée. Son œuvre doit être basée sur la sincérité. Son œuvre doit être basée sur la piété. Sinon, tous ses efforts seront faits, mais en vain. Donc, par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit la mosquée de Médine, qui est devenue une source de richesse, une source de science, une source de bien, qui s'est propagé dans le monde entier. Et aujourd'hui, les gens viennent du monde entier pour se rendre à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour y avoir de nombreuses récompenses, car celui qui prie dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam a 1000 récompenses de plus que celui qui prie dans une autre mosquée, exception faite de la mosquée sacrée de la Mecque. Les gens viennent jusqu'au jour d'aujourd'hui pour apprendre la science. C'est un des endroits où il y a le plus de grands savants au monde. C'est un endroit où il y a beaucoup de khayr. Tout cela car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé à son arrivée à Médine de construire un endroit où les musulmans pourront se réunir, où les musulmans pourront adorer Allah Azza wa Jal, un endroit où les musulmans pourront accomplir la prière en groupe. Et c'est ce qui convient de faire à chaque personne qui emménage dans un nouveau lieu où il n'y a pas de mosquée, ou bien dans un lieu où il y a une mosquée, mais ça n'est pas suffisant. Ils doivent en construire une deuxième, ou l'agrandir. وَفَقَنَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans sa sunna que celui qui construit une mosquée aura de nombreuses récompenses, et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'élèvera pour lui accorder tout cela. Il nous dit alayhi salatu wa salam, celui qui construit une mosquée en recherchant par cela le visage d'Allah. Donc il construit une mosquée, il recherche par cela le visage d'Allah. Il est sincère. Allah lui construira également une maison au paradis. Celui qui construit une mosquée sincèrement pour Allah, à la recherche de son agrément ou à la recherche du visage d'Allah, Allah lui construira également une maison au paradis. Voici une bonne nouvelle annoncée par le prophète alayhi salatu wassalam à toute personne qui dépensera de son argent, à toute personne qui construira une mosquée, et cela à la recherche de l'agrément d'Allah. Il ne veut pas qu'on écrive son nom sur la mosquée. Il ne veut pas qu'on dise de lui, c'est lui qui a donné tant. Il ne veut pas cela. Mais il fait cette mosquée à la recherche de l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Il fait cette mosquée car il espère qu'Allah Azza wa Jal lui accorde une maison au paradis. Et ne pense pas que la maison qu'on te donne au paradis est une maison semblable aux maisons de ce bas monde. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que les maisons du paradis sont faites de briques. Il y a une brique en argent et il y a une brique en or. Et le ciment qui consolide le tout est du musc pur. Donc les gens auront des maisons faites d'or et d'argent. Qu'Allah Azza wa Jal nous fasse entrer au paradis par sa grâce et sa miséricorde. Et ne te pose pas la question de savoir est-ce que la mosquée sera grande ou petite. Car cela n'influence pas sur ta récompense. Sache que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui construit une mosquée pour Allah, celui qui construit une mosquée pour Allah, même si cette mosquée a la taille d'un nid pouvant contenir un œuf, Allah lui construira une maison au paradis. Celui qui construit une mosquée pour Allah, même si cette mosquée est petite au point d'être de la taille d'un nid pouvant accueillir un œuf, ou encore plus petit que cela, Allah lui construira une maison au paradis. Les savants, en expliquant ce hadith, ont dit, il n'y a aucun doute qu'un nid ne peut suffire à faire la prière, même pour une seule personne. Alors ce qui est voulu par ce hadith, c'est l'exagération dans le fait que cet endroit sera petit. C'est-à-dire, si tu construis une mosquée, même si elle est très petite, Allah subhanahu wa ta'ala te construira une maison au paradis. Certains savants ont expliqué ce hadith en disant que si l'ensemble des gens se réunissaient pour construire une mosquée et que chacun dépensait ce qui suffit pour une prosternation ou pour une place ou deux, ben toutes ces personnes entreront dans le hadith. Toutes ces personnes entreront dans ce hadith. Donc que tu donnes peu ou beaucoup, sache que tu entres dans ce hadith. Ne dis pas qu'avec 10 euros je ne pourrai pas construire une mosquée. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزِ. Et sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire en sorte que cette mosquée se lève sans nous. Mais il nous teste et nous éprouve pour voir lequel d'entre nous va utiliser son argent comme il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui agrandit une mosquée, on espère en Allah qu'il aura cette grande récompense. Quant aux pauvres qui se disent, si j'avais de l'argent, j'aurais moi dépensé pour construire, les savants disent que lui aussi aura une grande récompense. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les actions ne valent que par les intentions. Et chacun sera rétribué selon son intention. Il nous dit également, alayhi salatu wassalam, celui qui veut faire, ou bien qui a eu la ferme intention de faire une bonne action, puis ne la fait pas, il lui sera inscrit une bonne action complète. Il lui sera inscrit une bonne action complète. Et sachez, mes chers frères, que celui qui construit une mosquée, que celui qui dépense de son argent pour une mosquée, il aura investi dans ce qu'on appelle une sadaqa jariya, c'est-à-dire une aumône qui perdure, même après la mort de la personne, elle reçoit encore les bonnes actions. On lui inscrit encore de bonnes actions. Nombreux sont ceux qui viennent nous voir et nous disent, mes parents sont décédés, est-ce que je peux faire quelque chose pour eux? Naam, parmi ce que tu peux faire pour eux après avoir demandé pardon à Allah Azza wa Jal, invoqué Allah Azza wa Jal en leur faveur, tu peux dépenser de ton argent et mettre l'intention que ces récompenses leur parviennent et dépenser de ton argent pour ta propre personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque le fils de Adam décède, toutes ses actions s'arrêtent, toutes ses actions sont suspendues, sauf trois: une aumône qui perdure, un enfant pieux qui invoque en sa faveur, et une science dont nous continuons de tirer profit, c'est-à-dire après sa mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également, parmi les actions et les bonnes actions qui continuent de rapporter du bien à la personne même après sa mort, il y a la science que tu as enseignée ou propagée. Il y a un enfant pieux que tu as laissé après toi. Il y a un mushaf que tu as laissé. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et une mosquée que tu as faite. Une mosquée que tu as faite jusqu'à la fin du hadith. Donc celui qui construit une mosquée recevra encore les récompenses. Et toute personne qui entrera dans cette mosquée pour faire un bien, pour y apprendre un bien, pour faire une prière, pour appeler un bien ou mettre en garde contre un mal, tu en seras récompensé, insha'Allahu ta'ala. Et parmi les qualités du croyant auquel, le prophète, auquel Allah Azza wa Jal nous a invités, tout comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a la générosité, il y a le fait de dépenser de nos biens, de ce que nous aimons. Allah nous dit, selon la traduction, vous n'atteindrez jamais la piété tant que vous ne dépenserez pas de ce que vous aimez. Lorsque Abu Talha radiallahu anhu a entendu ce verset, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, ya Rasulallah, certes Allah a dit ce verset, et la chose que j'aime le plus est tel jardin, donc je le donne pour Allah. Donc je le donne pour Allah. Il avait sa plus grande richesse, il l'a donné en entendant ce verset. Il l'a donné pour Allah subhanahu wa ta'ala en entendant ce verset. Allah Azza wa Jal nous dit également, toujours selon la traduction, tout ce que vous dépensez, Allah vous le remplace. Tout ce que vous dépensez, Allah vous le remplace. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, préservez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'en donnant en aumône la moitié d'une date. Ne serait-ce qu'en donnant en aumône la moitié d'une date. Que dira alors de celui qui dépense pour construire une mosquée? On y adorera Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour finir, le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, Allah dit au fils de Adam, dépense, je dépenserai pour toi. Dépense de ton argent et je te donnerai encore. Donc celui qui dépense de son argent pour faire une bonne action, qu'il ne pense pas que son argent diminue. Allah Azza wa Jal, bien au contraire, lui donne, lui ajoute et bénit. Bénit ses biens. Bénit ses biens, na'am. Parmi les troubles qui nous parviennent et ce qu'on peut lire dans les journaux, le grand désordre qui est semé sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala par al-Houthiyyin, al-Rafidah, قبحهم الله سبحانه وتعالى. On a tous entendu parler de la fitna qu'il y a au Yémen. Des gens parmi les chiites et leurs branches qu'on appelle al-Houthiyyun wal-Rafidah, qui sèment le désordre d'Allah subhanahu wa ta'ala sur sa terre. Ils ont tué des enfants innocents. Ils ont tué des personnes âgées. Et ils s'acharnent sur le fait de faire couler le sang des musulmans. Et ils disent qu'ils vont purifier la terre du sang des gens de la sunna. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ils disent que Jibril alayhi salam, lorsqu'il est descendu avec la révélation, s'est trompé. Et qu'il devait la donner à Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Ils disent que Abu Bakr et Omar, les deux meilleurs des compagnons, sont des hypocrites. Iyadan billah. Ils disent que notre mère Aïcha radiallahu anha a commis l'adultère, iyadan billah. Ils disent que Hafsa, la fille de Omar, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est une criminelle. Et ils disent que celui qui veut entrer dans l'islam doit se désavouer de Omar, de Abu Bakr et de Othman. Et il doit reconnaître que le meilleur d'entre eux est Ali ibn Abi Talib. Ils disent que la plupart des compagnons ont apostasié après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que celui qui tue une personne de la sunna, Allah lui promet le paradis. Ils maudissent Muawiya radiallahu anhu, l'oncle des croyants, celui qui écrivait le Coran de sa propre main, dicté de la bouche du prophète alayhi salatu wa sallam. Haoulahumur rafidah. Ils invoquent Ali ibn Abi Talib en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils invoquent Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu en dehors d'Allah. Ils invoquent Fatima radiallahu anha. Et ils disent qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima radiallahu anha, la fille du prophète alayhi salatu wa sallam, a reçu un autre Coran. Et c'est celui qu'on doit prendre. Comment est-ce que des gens peuvent les soutenir? Comment est-ce que des gens peuvent penser qu'ils sont musulmans? Ils invoquent autre qu'Allah Azza wa Jal. Ils sèment le désordre sur la terre d'Allah Azza wa Jal. Ils maudissent les meilleures des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a préservé le meilleur endroit au monde. Daulatu al-mamlakat al-arabiyyat al-saoudiyya, pour avoir repoussé leur mal et préservé les musulmans du Yémen. Et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il secoure les musulmans où qu'ils se trouvent, que ce soit au Yémen, en Syrie, que ce soit dans les pays d'Afrique, du Maghreb, et que ce soit les musulmans, ou que ce soit les musulmans n'importe où au monde. Allahumma ya hayu ya qayyum, ya qawi, ya jabbar, ya aziz. Allahumma alayka bil rafidha. Allahumma alayka bil rafidha. Dammirhum tadmira. Allahumma alayka bil rafidha. Allahumma alayka bil rafidha. Allahumma alayka bil rafidha. Ya hayu ya qayyum, ya rabbal alameen. وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقوموا إلى الصلاة